En tête de la longue chenille orange, la loco apparaît, plus grande, plus froide, submergée par la nuit qui l'entoure, plus puissante mais encore complice, comme un animal dompté, avec qui on a souvent fait un long chemin. Que de joie, que de plaisir, que de soucis aussi, quand une panne aveugle survenait bêtement, au moment où on s'y attendait le moins, hypothéquant la suite du parcours, l'horaire, et parfois la cause d'un retour tardif au foyer, après un long repos à l'extérieur. Avant de grimper sur sa machine, Marcel fait un salut de la tête, complice mais muet, au chef de service qui attend au pied de la motrice. À peine s'il a le temps de préparer ses feuilles de route et de faire ses essais, que là-bas, au loin, le feu vient de tourner au vert et le type à la casquette blanche d'amiral siffle comme un malade pour faire activer les retardataires. Enfin, tinte l'autorisation de départ, et le convoi docile s'ébranle lentement, puis s'élance dans le dédale des aiguillages savamment entrelacés. Adieu, Paris. Adieu, et au revoir. Je reviendrai un jour, flâner sur tes grands boulevards, mais rien ne sera jamais pareil. Je ne serai qu'un anonyme petit retraité de province, un curieux promeneur, qui aura le temps d'être plus attentif à tes charmes cachés. La nuit noire avale goulûment le train qui prend de la vitesse, et Marcel savoure ce moment privilégié où la machine et l'homme, unis dans la rigueur et l'effort, ne font qu'un.